fais-moi d'Aïchouba. Lovely, lovely, baby. Miterere, c'est mon wera. Maman, maman, bébé. Fais-moi d'Aïchouba. Lovely, lovely, baby. Miterere, c'est mon wera. Avec la boutique Chef d'Estreland et Blandin. Sur mon flot, montre combien c'est chaud. comme les notes sur mon piano. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Pas de fausse note, pas de fausse note. Depuis le temps que j'attends ça, aucune chance que je te déçois. Tous ces désirs que j'ai en moi, dans tous tes sens, tu les perçois. Et quand je te serre dans mes bras, c'est tout mon corps qui est en mémoire. Mon corps pour tout ton corps. Moi et dit jamais, yeah. Mon nom sera gravé à jamais dans ton cœur. Laisse-moi t'emmener dans une autre dimension. Mon nom sera gravé à jamais dans ton cœur. Sans jamais vivre, mal fait l'esprit qui t'écorche. Moi pas vivre pour la paix. Nous bras. C'est la playlist. Énergie. Say kiss the Trinidad, pick up the will of them. Come on, get it, no, yeah, anything I do. Headline news, if I'm waiting, I know, dude, then go say I do. Nothing but the truth, and I step up in the booth. No lie, my life, no be smarting. Remember last Christmas, Santa Claus gave me the glizzy with the switch dog. So some people no go see this Christmas. Man, them are grasses, most of them not even Christians. Click bang, body sinking at the quicksand. See, deck full of bomb like Afghanistan. And if you want me guy, come in on the enemy, them a pray, and me know they're not sorry for me. People are ball and a skin, can we bad than we mean? Bloody crime scene, calamity. I saw we shoot up, we and figure Canada G. Make them have a experience, no gravity. Tell a when I laugh up, when I dead dog. Violate people are dead dog. Should I keep in your bed, cause the Taliban's them a make work. When I laugh up, when I dead dog. Badness is where we end us. When I shoot people, we end up in a red cross. No Taliban's like them, we assure guns. Make you not sleep at your yard in a 4 months. And so we make people a mourn out. Like y'all get down a house. Laugh bars full of care that me sure about. And if you see me travel with a 9X, and no politician when me a go vote out. 4 kilo, 4 seat and 4 rounds. Them want the tea like Lipton. All of the best boom boom they are Kingston. So me buy a Birkin for Jada Kingdom. Some people vex on my phone get ring down. Me too rich now, so me buy 6 more. What's the plan? Cause I'm real to my skeleton. If you insult my intelligence, then I make the sparks fly like electrician. Lock off traffic, car tragic, bear panicking. Freeze up like mannequin. As you can't manage when pellets them traveling. Tell up to me alive. We no take that. All your people are dead that. No shoulda keep in your bed cause the Taliban's them a make quack. We no laugh, we no take that. Badness how we end us. We no shoot people fi end up in a red grass. Da da da da da da. Hit music only. Keep that thing from me. Why you gon' do like that? Why you gon' act like you don't know? No, baby, don't do like that. Girl, come feed me, don't be stingy. Why you gon' do like that? No, baby, don't do like that. Oh, I want you to know. Say I like the way you do. And you sabi do the dance. But you just speak like it's you go, go, go, go, go. Baby, you know. Say you got it, no be small. Girl, I like the way you, like the way you, I like the way you dance for me. I like the way you bounce for you. Yeah. I like the way you bend like say you want to greet your mommy. You bend like say you want to park your money. Just bend like say you want to kneel for daddy. Just bend like say you don't send anybody. Why you gon' do like that? Why you gon' keep that thing from me? Why you gon' do like that? Why you gon' act like you don't know? No, baby, don't do like that. Baby, don't tell me you don't know that you're beautiful. No, baby, don't do like that. I know you feel it in the bone inside your body. I know you need someone to hold somebody like me. I know you want a piece of me, of me. You wanna say my name, my name. So tell me why you don't wanna spit it out. Why you gon' keep that thing from me? Why you gon' do like that? Why you gon' act like you don't know? No, baby, don't do like that. Baby, don't tell me you don't know that you're beautiful. Don't do like that. You make me say, say, if I hold you so tight, cause your time will be with you, yeah. Your smile not ready, yeah. Let me know right now, if you're ready right now, cause your time will be with you, yeah. Your smile not ready, yeah. Why you don't do that? Why you don't keep me? Why you don't do that? Why you don't do that? Why you don't do that? Why you don't do that? Playlist vacances sur Énergie. Ok, tu y as ça qui fait. Pour venger Samson, mais y'a trahi Juliette. Ok, tu y as ça qui raide. Ou pas qu'à vrai, il vient avec l'amour, ça qui traite. Pas qu'à ni bon à pienne, qu'on a dans gros sortilège. Par côté 11 et 17. Coup, coup, et puis y'en a m'gilet. Malaga va pas des pis, j'en dis jour. C'est que la fois j'avais moins pléré. Attention à vous, c'est qu'un moi ou pas volé. A pas moi qui qu'aille pléré. On s'y crie qui aime tout fait qui douce. Envolé à l'entour, à l'amour. Attention à vous, c'est qu'un moi ou pas volé. A pas moi qui qu'aille pléré. Non. C'est qu'un mot ou pas volé. A pas ma qui qu'elle pleure et nous mort. Non, non. Attention à vous, c'est qu'un mot ou pas volé. A pas ma qui qu'elle pleure. Oh, soum, soum, quand y'a fait Samson. Pas fait moué, pas ça qui dit jonté. Et même les loups qui s'y tension. Pas tout le corps, oui, la méchasté. L'amour à vacances, il t'a fait ça comme un homme sensé. Ou pas un plan B ou okay. Gay, songez ça les bateaux la katangue. pas de dito, pas fait moi porter des charges, comme pas supporter. T'es ni les pots pour faire moi rêver des mots, pour faire moi décoller. Ni à rien que nous poser, c'est là où on vit déconner. Ah, ah. Je là c'est ça qui fait belle, ceux qui prient, pas désolé. Ma malade à pas les pieds, je dis jour, c'est que le vent j'a fait moi pleurer. Pour ça, vous dites qu'à moi on pas volé, avant moi qui ai pleuré. Pour ce qui est mes toutes les qui douce, envolé à l'entour à l'amour. Pour ça, vous dites qu'à moi on pas volé, avant moi qui ai pleuré. Non. Care more. Qui monte coche pas quand t'es rêveur. Je dis nous on sa l'histoire. Pas qu'à vrai comme un pays fait bam. Ha! Dis tout nous chérie en moi. Couchons mes noix la gueule et ta voix. Je dis joue nous on sa l'histoire. Pas qu'à vrai ça m'en pays fait bam. Ha! Attaque zombie. PMC au port. C'est que le projet a fait moi pleurer. Ton son a vous dit qu'à moi on pas volé. A pas moi qui ai pleuré. Pour ce qui est qui aime tout fait qui douce. Envolé à l'entour à l'amour. Ton son a vous dit qu'à moi on pas volé. A pas moi qui ai pleuré. Non. Non. Ton son a vous dit qu'à moi on pas volé. A pas moi qui ai pleuré. Non. Non. Quel moi on pas volé, à pas moi qui ai pleuré. Tout un premier fois, en vrai, en ayant été là, planté complet, puis je dis à quel point on dégage, chérie, en bas de tes faire souffrir, mais l'amour ça, j'en vous faire, pour point qu'un moi rempli douleur, tout sentiment déjà disparaît, en bas de souffert, mais l'amour ça j'agais mon feu. Ou prend qu'un bras rempli douleur, tout sentiment déjà disparaît. Compliqué, mais vas-y, là c'est mélangé. Faut pas te fâcher parce que je te dis la vérité. Tu m'as fait du mal, il fallait juste te rattraper. Mais le temps était coupé. Là y'a un bémol. Entre nous deux y'a un bémol. Tu peux pas me mélanger. À tes groupes, ils me mélangent. Il me dit comment, comment tu parles, bébé. Il faut te calmer, c'est que toi, mon bébé. C'est pas comme ça, faut te calmer un peu. Dadi, aya aya, tu m'écoutes. Mais Dadi, toi aussi tu m'écoutes pas. Pourtant c'est nécessaire, nécessaire. Ouais, nous deux c'est nécessaire, nécessaire. Bébé veut pas écouter, bébé veut se gammer, bébé veut tout mélanger, mes sentiments sont dérangés. Elle m'a dit temps écoulé, j'ai des litres à faire écouler. Je sais pas si elle me prend pour un croyant, j'ai tout donné, je me sens couillé. En vrai toi t'aimais que mon papier. J'oublie vite les bails, dis-moi si je dois te les rappeler. Frère viens on arrête, c'est bon ma fierté m'a appelé. Non non, toi tu m'as bloqué sur toutes les applis. Laisse, laisse. Mais dis comment, comment tu parles bébé. Il faut te calmer, c'est que toi mon bébé. C'est pas laisse. Comme ça, faut te calmer un peu. Il faut croire en moi. M'a dit aya aya tu m'écoutes, tu m'écoutes pas. Mais Dadi, toi aussi tu m'écoutes pas. Pourtant c'est nécessaire, nécessaire. maintenant faut qu'on agisse. Tout d'un coup je suis nostalgique, je repense au début, ça me rend fâché. Il me dit comment tu parles bébé. Il faut te calmer, c'est que toi mon bébé. C'est pas comme ça, faut te calmer un peu. Il faut croire en moi. Daddy, m'a dit aya aya tu m'écoutes, tu m'écoutes. Si tu m'écoutes pas, pourtant c'est nécessaire, nécessaire. Ouais, nous deux c'est nécessaire, nécessaire. Badji m'a dit aïe aïe tu m'écoutes pas. Badji, mais toi aussi tu m'écoutes pas. Énergie. Tous les hits numéro 1. Yeah, so much problem with my so-called friends. Problem with the girl I love. Holy pa them, we said them no popcorn. Them never know the place I was. People we know the real struggle me feel. A people like squid and cuss. This music business is like a battle to me. So much hatred and grudge. Now the means of all his enemies. Try you keep me firm and strong. Bad mind and jealousy just get me feet. Try you keep me firm and strong, yeah. Give me the energy we need. Try you keep me firm and strong. And really keep winning by any means, yeah. Try you keep me firm and strong, yeah. Strong already. Strong already, you know. Strong already, strong already, strong already, you know. Me no friendly with the media. Everyone already know. Some people could believe everything them see on TV. Everything them hear on radio. Them see a video thing, I eat them one. Them plan up how we take it from you. God now go vex if I'm a gun me draw. Empty I'm a keep on you. But in the means of all his enemies. Try you keep me firm and strong. Bad mind and jealousy just get me feet. Try you keep me firm and strong, yeah. Give me the energy we need. Try you keep me firm and strong. And you only keep winning by any means. Tell you keep me firm and strong, yeah. Strong already. Strong already, you know. Strong already. Strong already. Strong already, you know. Offre un voyage en eau très profonde avec Jason Statham. En ce moment, gagnez vos places et plongez en eau très trouble. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. Sa grouille de mégalodon. On n'avait jamais vu ça. Il chasse en meute. Préparez-vous. Barracuda. Grosse décharge d'adrénaline avec Énergie, la radio numéro 1 sur le cinéma. À la recherche du style urbain parfait pour la rentrée, ne cherchez plus. La boutique Shaft vous prépare une sélection inégalée de vêtements, chaussures et accessoires. Les marques les plus tendances vous attendent chez Shaft. Adidas, Fila, Vans, Converse, LS, Champion, Le Coq Sportif, Guess, chaussures, maroquinerie et bien d'autres encore. Chez Shaft, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour un style urbain, unique et branché. Alors rendez-vous chez Shaft à Destreland, porte numéro 6, et préparez-vous à vivre la rentrée avec assurance. Shaft, votre style, votre mode. Blandin assure votre confort et vous propose le climatiseur Colibri 9000 BTU. Et pour seulement 1 euro de plus, recevez en bonus un ventilateur Fan Elite de haute qualité pour une fraîcheur optimale dans toute votre maison. Stock limité, uniquement pour les 50 premiers clients. Alors pas pète temps et vine voir nous à Blandin. Ah, et reste dans nos lits Blandin. Électricité, éclairage, outillage, espace vert et climatisation. Le comité Mister Guadeloupe, la ville de Capesterre et la région Guadeloupe présentent en partenariat avec Énergie Antilles la 12e édition de l'élection de Mister Guadeloupe 2023 sous le thème Les 4 éléments le samedi 12 août 20h au gymnase Gérard Marianne de Capesterre Bello. Artistes invités, Saïk et les troupes Amétis et Madness. Tickets disponibles sur keywall.com. Info 0690 805 944 avec la région Guadeloupe, Grand Sud Caraïbes, Format Plus et l'habitation Samana Beau Séjour. Suivez le Beach Tour Énergie avec le jardin botanique de Vallombreuse à Petit-Bourg, le fruit de la passion. Ce vendredi 11 août, le cercle se conjugue au féminin. Jessie Belval. Je pensais qu'avec toi, je t'en vais. Karine. La seule à vivre notre amour. Et pour cet événement, faites partie du cercle privilège. Prévente sur Keywall et pack bouteille au 07 56 80 80 28. Ce vendredi 11, en exclusivité, le duo choc. Jessie Belval, Karine. Avec les champagnes mum, cordon rouge à consommer avec modération. Le cercle Castel-Lamantin. Suivez le Beach Tour Énergie avec Ford Guadeloupe. Êtes-vous prêt à vivre l'expérience Pinky Bloom Music Festival avec RCI et Énergie? Dimanche 22 octobre, sur le site de Duval, Petit Canal, plongez dans l'univers Pinky Bloom avec Destra Garcia, Felicia Ross, Nestlé, Nayo, Lissinaï, Jean, Mapis et une sélection de DJ. Un festival et des couleurs pour donner tout son sens à la solidarité et au leadership féminin. Music, food corner, village, show et de belles énergies à partager avec les gentlemen qui sont les bienvenus. Dress code, touch of pink. Billets disponibles exclusivement sur le site internet pinky-bloom.com. Plus d'infos sur nos réseaux sociaux. Follow us avec Air Caraïbes, Spectacle, Sebastiano, RCI et Énergie. Ici, c'est Énergie Antilles, première radio musicale. Rejoignez plus de 3 millions de fans Énergie sur Facebook. Facebook.com/EnergieAntilles97. Numéro 1 sur les réseaux sociaux. Put a smile on my face, a facade you can never face. Ooh. And if you don't know me well, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Cause you see people don't really know you. They don't really know you. Cause you they make you not leave me deep. Oh, holy father, yeah. Oh, make you try to understand. you notice me? I've been drinking my alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? Swap fake friend up a distance. Yeah. When 18 on the big club. No tear up, no I'm a big god. Bad bitch, bad boy, I don't talk so. Long off for the disonneur. No, they all look up on some man. Mama got plugged in the mail. Ish, they all got a commerce. Nana, school, son, I'm on the boss. Hey, yo, son, because you know he boss. Clock 9, café rage danse. We from West Indies, tu connais la chance. And I see Red Bull, Red Bull. Girl like a back it up, belle mute. C'est là, comme modèle big ass skinny. Caribbean, me a bobo kini. Hi, Dio, nous là, nous connectés. Bad girl, I'm a big dog. Shoot a car, shoot sans shatter. Méchant partout, ça black pas. Nous là, nous connectés. West Indian, non nada. Madagwada, combattre. Nous là, nous sentis là. Beautiful paradise, mada. Question dans le voisinage, mada. Loulou gangster, don't mada. Belle bonbon, belle baby mama. Beautiful paradise, mada. Question dans le voisinage. Mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada, mada. Quand on est au lit, je crois que c'est la folie. Laisse les penser contre nous, c'est maudit. Quelle symphonie. Quand on est au lit, je crois que c'est la folie. Laisse les penser contre nous, c'est maudit. Je suis surpris devant son corps. De l'oseille, il faut faire encore. Je crois qu'on est d'accord. C'est de la partie, et ben c'est parti. Sans faute, c'est moi parmi tant d'autres. Je sais que t'en veux encore. Allons pas faire en sorte qu'on sépare pour toute la vie. T'es pas là, je pense à toi dans la nuit. Posé sous le bloc, j'ai la fumée dans le vide. Tu es gentil, il est méchant dans le film. Qu'on sépare pour toute la vie. T'es pas là, je pense à toi dans la nuit. Sentimental, c'est pas mon fort. T'as besoin de réconfort. Quelle symphonie. Quand on est au lit. Je crois que c'est la folie, laisse les penser contre nous, c'est maudit. Quelle symphonie, quand on est au lit. Je crois que c'est la folie, laisse les penser contre nous, c'est maudit. Tout travailler ramène de la fatigue. C'est business, c'est pas vu, pas pris. De bons frères, moi, sont déjà partis. Obligé de côtoyer des saletés. Et pour toi, je peux tuer dans le tas. Faut le croire, oh. N'aie pas peur, mets le 45 sur toi. Embarque-toi, posé dans le vaisseau mer. On sera posé à deux ou à vue sur mer. Plage, diamant, style. Prada, je peux taille, je fais les pailles. Attention, faux amis. Plage, diamant, style. Prada, je peux taille, je fais les pailles. Attention, faux amis. Quelle symphonie. Quand on est au lit, je crois que c'est la folie. Laisse les penser contre nous, c'est maudit. Quelle symphonie. Quand on est au lit, je crois que c'est la folie. Laisse les penser contre nous, c'est maudit. Now she got me doing things I've never done. numéro 1 dans la playlist sur Énergie Antilles. Patrice again. Tyrus Riley. Up in the middle, you make you loco. Take it. You in a fast or in a slow. Come take it. Oh, yeah. All my love. I come on my all journey. All I have. Something rising. I smear it. No, I recognize it. Whoa. But I don't fight it. Don't fight. Could be the start of something nice. One way I've ever bang bang, Lucky bang bang, Lucky bang. Pays va tourner dans le film cowboy. Tout le monde sait bang bang, Lucky Luke. Cowboy Karimio, dégainé. Yo titi galo, mais pas même dans CIA. Sosiba la gâchette. Yo titi chaka, mais pas même dans CIA. Sosiba la gâchette. Yo dis Michael King, pas même dans CIA. Sosiba la gâchette. Fanatique Karimi, pas même dans CIA. Sosiba la gâchette. Wise bang, Lucky bang, bang, Lucky bang. Pays va tourner dans le film cowboy. Tout le monde sait bang, bang, Lucky Luke. Mais pays m'a yon jouet, suspend jouet avec. Wise bang, Lucky bang, bang, Lucky bang. Pays va tourner dans le film cowboy. Tout le monde sait bang, bang, Lucky Luke. Jouet suspens jouet avec. Yo dis Richard, j'ai pas même dans CIA. Sosiba la gâchette. Yo dis Serène Kave, pas même dans CIA. Sosiba la gâchette. Yo dis Menon Jackie, pas même dans CIA. Sosiba la gâchette. Mais Stéphanie Polite, pas même dans CIA. Sosiba la gâchette. Tous les hits les plus hot des vacances, remixés par les DJ Energy. 19h, 21h, la Cool Session Energy, c'est votre cocktail de mix à siroter ce soir sur Energy, la radio la plus fresh des vacances. Suivez le Beach Tour Energy avec Nivea Sun. Profitez du soleil en toute sérénité. Chill Link Event présente la Welcome to My Island au W Club à Jarry le 14 août, veille de jour férié. Showcase avec Léa Chorose pour la première fois en Guadeloupe. Prévente 20 euros, 30 euros sur place. Au platine, DJ Spyco, Greg, Le Chai, Da Boys. Point de vente, Bizouk. Au Vistor, Point à Pit, Wine Market, Jarry, Chacha Lounge, Basse-Terre, Carrefour Express, Bouillante. Suivez le Beach Tour Energy avec Banga. Rétrocitol, la soirée incontournable à Paris débarque en Guadeloupe lundi 14 août, veille de jour férié à l'instant discothèque pour la Blue Jean Tour. DJ Nico et DJ Mike mixeront tous vos classiques caribéens et internationaux de 1980 à 2000. Rétrocitol, lundi 14 août à l'instant. Prévente sur bewall.com ou le Mont les Bisouk. Info 0690 60 33 30. Un événement énergie. Suivez le Beach Tour Energy avec Carulis. Votre réseau évolue. LBTM présente en collaboration avec Énergie le show exclusif de la fin des vacances. Retrouvez en exclusivité samedi 26 août Young Chang MC, Stony et Pépite pour un show exceptionnel à La Casa Art. Profitez des tickets disponibles en ligne sur Keywall, Bizouk et Olmol. Rendez-vous à La Casa Art avec Air Caraïbes, McDonald's, Larawak, Au Saint-Jude, Chill, Heliconia, LBTM et Énergie Antilles. Infoline 06 90 159 049. Écoutez, Énergie Antilles, première radio musicale. Connectez-vous maintenant sur energieantilles.com. Tous les replays du morning, toute l'actu de vos stars énergie, l'actu ciné, l'actu des jeux vidéo, des dizaines de radios digitales énergie de tous les styles, des vidéos exclusives, des cadeaux à gagner. Energie Antilles, it's music only. 1, 2, 3, let's go. Energie. 12 hits d'énergie non-stop sur Energie. C'est la playlist Énergie qui démarre. Yeah, yeah. Try what you not do if you're not a fear, fear. One man did they tell me to disappear, yeah. So so come and help me, cause I don't pray. My man, I don't pray. Come on man, I can't stay for one place. For God's sake, my bed. Don't take my fear away from you. They are talking so shit. What I know, get the me. Do you fall for what shit? I put up out of my eyes. Ten shot, I ride. Touch God, I cry. Offshore, got my dread love. You leave me, I don't pray. Mohammed, I don't pray. Come on, man. I can't stay for one place. For God's sake, my bed. Come on, teach me. Only you do. My best, give me vitamins. We're gonna take these friends away. So so cold, so so so so. Y'a ton prestation, à ton coup de siffle, j'ai envoyé tout doux les hackers. Y'a au mêlé, on t'y carapace en piton. Si un jour on fait mal, maman, dépise les kéhaïs. En face, c'est qu'après, moi, envoyé t'es ni la rime, t'es bon, de l'eau en zéhaï. À ton prestation, en vrai, qu'est arrivé en deux secondes, à deux, c'est peine. Madame Jolie, moi, c'est le qu'importe, si on me compte tout nom, mais on va voir son femme battante. Innocence avec tristesse, ça qui a fait mes pégades, moi, en manière qu'on s'en est trop qu'avant. En dit, au souhait, dans 40 mois, qu'est en cette taille, qui a fait qu'on s'y pas qu'attendre. Il a poussé, il fait mon câlin, il aura des touches, fusil a quitté, en bas, 20 ans, moi. Pas de rien, ben c'est faute en main. Jolie madame, pas ma chérie avec mon en main. On pas que de chasse, c'est épaules en main. Et tous les jours, on pied à la vie, pas bon en main. Mickey, oui, mais ton main, femme. Qu'est-ce que moi, pas pas de battante. Pas dans le monde, encore à prendre. Coute, écoute, un temps pour comprendre quand c'est ta femme. Mickey, oui, mais ton main, femme. Qu'est-ce que moi, pas pas de battante. Pas dans le monde, encore à prendre. Coute, écoute, un temps pour comprendre. comprendre quand c'est ta femme. On dit qu'il fait qu'en croise chimé aïe. Tous les jours en caprié pour Dieu souhait couler à zé aïe famille. En femme caractérielle qu'on lui panie. En bike en moi en espérant y'a pas parti et veille d'adi. Play ma toi ma si pour aïe en juré si on joue en tombé. Sinon ma y'en deux deux en café y'a parti. Mette les vents moi assis les veilles c'est celle. Moment en gadi mais putain en vrai faute la vie belle. Alors nous partis loin longtemps ou kama qui en peine. En y'en en foutre de bouga ou y'en vend pas ponti panter. En belle femme qu'on pas mérité tout sa peine. Ouais mettre couronne en tête aurait pu marcher qu'on reine même bonté. D'accord, c'est vos plus belles merveilles. L'être humain est aveugle. Et jusqu'à l'aube, moi, j'ai été éveillé. J'ai fait avancer ton carrosse pour moi. Mickey a remis ton main fin. Qu'est-ce que moi, pas pour te battante. Pas dans l'amour encore bon. Côté bouton, t'as pour comprendre quand c'est ta femme. Mickey a remis ton main fin. Qu'est-ce que moi, pas pour te battante. Pas dans l'amour encore bon. Yo, you listening the number one radio energy, heat and music only. Nana, can I miss you? How you about? Run it, wind your body. Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad gal in a real life, no Tinder. When the things start to come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter. Girl, let me see how you a bad body. Sipping when you sit on pon it, yeah, me in a that. So me say me, girl, let me see how you a bad body. Smoking on you, block it, yeah, me in a that. You so mad, girl, wind your body. Yeah, bob it for me, yeah, wind your body. Yeah, bob it for me. Girl, let me see how you a bad body. Smoking when you wind your body, yeah, me in a that. I know she want me and she know the mechanic. Top a top girl tonight, you the baddest officially. On the left side, I got my cup on the right, got the Cali. Can't rock it, set it unconditionally. So me say, big man, I leave the things done. Close your eyes, girl, welcome to the Shatter Kingdom. Yeah, technically, Gucci now look for wisdom. Big thing up every girl from Japan to London. Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl, in a real life, no Tinder. When the things start to come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter. Girl, let me see. Drop it up downtown. No matter, no matter where you come from, uptown or downtown, girl kill from bad town. That's when love, when the pretty girls them getting up. Anytime we come fit on a plate, get the city up. The hands on your knees, give me the best of chat, you know. Skills mad, yeah, all of them finna. Ready for burn up warning, some boy splinter. Big up bad girl in a real life, no Tinder. When the things start to come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter. Girl, let me see. Le verre sur Windows Shop, elle smoke la weed comme Wiz Khalifa. Tu m'en veux d'avoir des love à faire, mais je veux pas rester locataire. Elle connaît mon G-A-N-G, c'est moi dans ma fast life. T'es relou, mais les autres font pas le poids. J'espère que t'as compris la phase là. T'es ma black widow, ma baby mama. T'es ma locomotive, chouchou, baby toutou. Rêve d'un doudou, pas d'un toutou, tout le monde. T'es ma locomotive, chouchou, baby. Quand tu fais la timide, oh, t'es trop mimé, trop mimé. caresse, elle veut qu'on la griffe. Je finirai premier du tournoi, je fais la diff. Tu voulais parler, là je t'écoute. Un moment sans engagement, c'était cool. J'aurais tellement aimé les multiplier, mais j'étais fou. Pourtant j'étais fou, toi, toi. T'es ma locomotive, chouchou, baby, toutou. Je me suis mis dans des galères pour you, Charlotte. D'un doudou, pas d'un toutou, tout le monde. T'es ma locomotive, chouchou, baby, toutou. Confiance mi a l'air, y'a pas qu'à quoi y'a dans bon monde. Et tu, en tournée ou la terre. Pour un bonheur plein de peine, au fond de ma maïsselle. Encore, ça c'est qu'un mec a pesé. Encore, qu'à comprendre pourquoi tout le temps c'est mal. Encore, qui pas bon ballon, mec a chaillé, chaillé, chaillé, chaillé. Encore, j'avais toi, nous pouvons pas parler. Encore, et mi j'ai dit, j'ai moyen, vais pas ouais. Ça qui pas bon ballon, mec, a chaillé, chaillé, chaillé. Loin, encore plus loin. C'était ça qui choque à 106 mois. Pas déjà ni pour chaillé, ou chaillé, ou chaillé, ou chaillé. Loin, encore plus loin. Les sens si love sont 106 mois. Pour mettre confiance à mon bouchaillé, bouchaillé. Pour mettre confiance à mon bouchaillé, c'est seulement. On t'est quand même, énergie là à donner. Au cas où ça c'est plein vite et inutile, pas qu'on ça s'affine, mais c'est qu'on ça nous pète au fil. M'y aller, aller, et même si ça fait comme back, quand sous deux mois on pas vu, on peut pas continuer à dans vite qui est pas vrai. Donc on fait un top line, passant jamais au palais. Hey, hey. Là, nous pour faire la paix, nous peut pas faire la guerre. On fait en confiance, m'y aller, y'a pas qu'à quoi y'a dans bon monde. Encore, comprendre pourquoi tout est c'est mal. Encore, pas bon ballon, mec, à chaillé, chaillé, chaillé, chaillé. Encore, j'avais toi, nous ne pouvons pas parler. Encore, et mes chats, j'ai moyen, on ne pas ouais. C'est qui pas bon ballon, mec, à chaillé, chaillé, chaillé. Loin, encore plus loin. C'était ça qui j'ai cassé en 6 mois. Encore, déjà, ni pour chaillé, ou chaillé, ou chaillé, ou chaillé, ou loin. C'est ça qui j'ai cassé en 6 mois. Mais confiance à mon bouchaille, bouchaille. Cassé en 6 mois, c'est qu'un mec a pesé. Pas qu'à comprendre pourquoi tout le temps c'est mal. C'est là qui pas bon ballon, mec a chaillé, chaillé, chaillé, chaillé. Nous j'avais toi, nous pouvons pas parler. Et mes choses, ils jouent moyen, on veut pas avoir. C'est ça qui pas bon ballon, mec a chaillé, chaillé, chaillé. Encore plus loin. C'est ça qui j'en casse en 6 mois. Quand t'es jeune, il bouche, ou chaille, ou chaille, ou chaille, ou loin. Encore plus loin. C'était ça qui j'en casse en 6 mois. Pour mettre confiance à mon bouche, ou chaille. Rihanna on Energy, my favorite radio station. Hit music only. Lift me up. Hold me down. Keep me close. Safe and sound.

côté. J'ai besoin de toi. Je te lance un espoir et j'espère que tu m'entendras. Notre amour est en détresse. Est-ce que tu me reçois? Énergie, la radio qui joue tous vos hits préférés. Who's the musician? Fato. Who's the technician? Who's the producer? We they do bad things for good reasons, you know. I know, you know. And we they do good things for bad reasons, you know. Keep pressing, we no keep malice, yeah. We just wanna have some fun tonight. We are the happy people. We are the world. Ah, a day, a day, a day with you, yeah. Location, send your location to me. Then a day, a day, a day with you, yeah. Location, send your location to me. Say you put the one for water, go for follow, follow, aya for ayana. We are the happy people. We are the world. A day, a day, a day with you. You are not too little. Chupero, chupero, chupero, chupero, chupero, chupero, chupero. Plus pareil, j'ai perdu le goût du love. Madame a tout pris, vu la bague au doigt. Je sais pas, tu penses que je suis pas prêt. C'est que l'amour me fait peur. En vrai, grand bébé, j'ai le cœur en moi. Deux principes de valeur font ton charme. Quand je te regarde dans tes yeux, tu vois reflet du canon. Et t'es si belle avec tes formes. Pour toi, je paierai la top. Pour toi, je sais pas ce que je ferai par amour. Vas-y, vas-y, fais ta vie, Paris, reviens pas. Des relations toxiques, j'en veux pas. Chacun fait sa vie, même si on veut pas. Tu sais que l'on pardonne, on n'oublie pas. Vas-y, fais ta vie, Paris, ne reviens pas. Des relations toxiques, j'en veux pas. Chacun fait sa vie, même si on veut pas. Dès que l'on pardonne, on n'oublie pas. Tu veux jouer à l'homme, mais tu me parles comme un petit bonhomme. Je peux pas contenter du minimum. Tu dis que je suis nice, que je suis fraîche, que j'en fais des tonnes. Dis-moi vraiment d'où viennent tes doutes. T'as pas tiré un prêt sur nous. T'as peur d'aimer, de te dire. Et moi, dis-moi, babe, dis-moi t'en es où. Je pense à toi souvent. Je pense à toi la nuit. Tu m'appelles baby boy, mais tu m'aimes à la folie. Nos escapades nocturnes, à bout tu peux pas oublier. Je suis ton baby boy, et c'est toi mon pilier. Ah ouais, d'accord. Maintenant que tu te sens prêt, c'est mort. Je te dis on pardonne, mais je sais que t'as pas oublié. Qu'avec moi t'avais tout, qu'avec moi c'était doux. Donc sans moi tu deviens fou. Mais toi ma vie n'est plus pareille. J'ai perdu le bout du love, madame a tout pris, vu la bague au doigt. Tu penses que je suis pas prêt, c'est que l'amour me fait peur. En vrai quand bébé j'ai le cœur en main. Tu sais que je fais ça pour te séduire toi. Je vois que ça fonctionne, c'est ce que t'attendais. Quand je fais le premier pas, je suis déjà dans tes bras. T'as tout laissé pour moi. Tu veux que je fasse un bébé? Non mais pour aller où tu m'as m'étonné. T'as le tout fait de revenir sans rien m'expliquer. Je t'aime mais j'ai besoin d'avancer. C'est dur, toi. Je vois que ça fonctionne, c'est ce que t'attendais. Quand je fais le premier pas, je suis déjà dans tes bras. Et t'as tout laissé pour moi. Vas-y, fais ta vie, Paris, reviens pas. Des relations toxiques, j'en veux pas. Chacun fait sa vie, même si on veut pas. Tu sais que l'on pardonne, on n'oublie pas. Vas-y, fais ta vie, Paris, ne reviens pas. Des relations toxiques, j'en veux pas. Chacun fait sa vie, même si on veut pas. Je sais, tu peux pas m'oublier. You can love me, love me, you can love me. Et c'est tout. Je pense à toi souvent. You can love me, love me, you can love me. Je peux pas me faire. You can love me, love me, you can love me. Je pense à toi souvent. La nuit, je dis bon. Et tous les hits numéro 1. C'est les vacances sur Énergie. Sur Énergie. Problème indéfini. We can try it enjoy. Violin indéfini. We can try it enjoy. C'est quand la cata ouvre une définition. We can try it enjoy. Problem in the definition. So make it try to enjoy. We could dance like Luala. Yeah, Luala. We could dance like Luala. Yeah, Luala. Myself. I just want it my life, if I'm just you. I don't like bad, I don't go find your trouble. I don't like a salad, so far my money to double. As my money to pile up, it make me a pure, a pure. As my money to pile up, it sweet my but you. Finish. We can try it, enjoy. But I know the finish. Oh, we can try it, enjoy. Sekata kata uru no the finish. We can try it, enjoy. Problem is not the finish. So we can try it, enjoy. We could dance like Luala. Yeah, Luala. We could dance like Luala. Yeah, Luala. Axel mérite une charismatique. Fini. Numéro 1. This song is for all my Caribbean girls. Yeah. Chibé Muna Baganal. All around the road. Put your drink in the air. Welcome to the Bacchanal. Tant qu'à rouler dans les cafés, ils allaient pour moi, ben ça allait. Travail. Y'a tellement ma caille décompressée. À son moins collé. Il qu'a crié, aïe, aïe. Ni song, ni dance, code la nouvine pour pomper. Si ou fait d'un moulin full la brin des années. All my people ready for you. Welcome to the bacchanal. All my gala ready for you. Welcome to the bacchanal. Papa les ba me zod la nouvine pour pomper. Si ou fait d'un moulin full la brin des années. All my people ready for you. Welcome to the bacchanal. All my gala ready for you. Welcome to the bacchanal. Savez-vous comment? Quand elle est bien pleine, avec du rhum dedans. Eh oui, c'est bon, ah oui, c'est bon. J'ai mon Clément, j'ai mon Nesson. Même le préfet a dit que c'est bon, c'est fort. Donc je bois doucement. J'aime ma bouteille. Savez-vous comment? Quand elle est bien pleine, avec du rhum dedans. Eh oui, c'est bon, ah oui, c'est bon. J'ai mon Clément, j'ai mon Nesson. Même le préfet a dit que c'est bon, c'est fort. Les vacances sur Énergie. Le Beach Tour Énergie vient vous ambiancer sur le sable chaud des plages de Guadeloupe. Animation avec Dina, DJ, structure gonflable, jeu, Zumba avec Steve Segor. Soyez au top et repartez avec des centaines de cadeaux. Avec Nivea Sun, Banga, Ford, le jardin botanique de Vallombreuse et le réseau de transport Carulis. Le Beach Tour Énergie vous donne rendez-vous ce dimanche 13 août sur la plage de Malendur à Bouillante. Les vacances, c'est aussi le moment de déguster nos délicieuses saveurs locales. Du 25 juillet au 6 août, nos produits locaux sont à l'honneur dans votre hypermarché Carrefour Mille et Nice. Le kilo de côte de porc au rayon boucherie libre service, origine Guadeloupe, est à 9,90€. Le bac de 1 litre glace Paradis, origine Guadeloupe, divers parfums au choix, est à 4,20€. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Faites-vous plaisir avec Carrefour Mille et Nice. Les Nice, au centre de mes envies. Welcome to Baka Festival. Les 12 et 13 août, ton festival favori revient pour une nouvelle édition de folie. Embarque dans l'expérience du Baka et profite d'une scène unique dans la Caraïbe. SDR, Shensia, Malcolm, Darius Riley, Fish, Natoxy et bien plus encore. Reste connecté sur nos réseaux et sur www.bacafestival.com. Un événement RCI et Énergie avec la participation de la ville du Vauclin. Baka Festival, créateur de souvenirs. LBTM présente en collaboration avec Énergie le show exclusif de la fin des vacances. Retrouvez en exclusivité samedi 26 août Young Chang MC, Stony et Pépite. Un show exceptionnel à La Casa Art. Profitez des tickets disponibles en ligne sur Keywall, Bizouk et Olmol. Rendez-vous à La Casa Art avec Air Caraïbes, McDonald's, Larawak, Au Saint-Jude, Chill, Heliconia, LBTM et Énergie Antilles. Infoline 06 90 159 049. Et il y a une super promo sur les voitures à Aix-en-Provence. Regarde, si je prends l'avion de 21h45, que je fais 2h45 de train et que je reviens par le bateau, j'économise 64€ sur ma voiture. Ouais. Ou alors tu restes en Guadeloupe et tu vas chez Ford. En ce moment, profitez des prix Hexagone sur une sélection de véhicules chez Ford Guadeloupe. Venez les découvrir maintenant et repartez avec votre nouvelle Ford au même prix que dans l'Hexagone. Voir conditions en concession jusqu'au 31 août. Pensez à covoiturer. Forcément Ford. Ford. Que le futur commence. Rétrocitol. La soirée incontournable à Paris débarque en Guadeloupe lundi 14 août, veille de jour férié à l'Instant Discothèque pour la Blue Jean Tour. DJ Nico et DJ Mike mixeront tous vos classiques carrières. caribéens et internationaux de 1980 à 2000. Rétrocitol, lundi 14 août à l'instant. Prévente sur keywall.com ou le mot les bisous. Info 0690 60 33 30. Un événement énergie. La ville de Trois-Rivières vous invite à la deuxième édition de son Trois-Rives Festive. Samedi 12 août de 9h à 15h, rendez-vous au marché des maîtres et apprentis artisans. Découvrez plantes, soins thérapeutiques, vêtements, bijoux et goûtez aux spécialités locales. Venez passer un moment festif en famille avec nos jeux gonflables et traditionnels et musical avec DJ Mike, l'association Chiré Label, le groupe Vokoum et Alex Catherine. Et tentez de gagner deux billets d'avion offerts par Air France. Des nouveautés sur le réseau Carulis. Votre réseau Carulis évolue pour vous offrir une nouvelle ligne. Au départ de la gare de Bergevin toutes les 30 minutes, la ligne AE5 relie les secteurs de Grand Camp, Rézet, Petit Pérou, Totémar, jusqu'à l'aéroport. Retrouvez plus d'infos sur l'appli Carulis et sur votre site internet carulis.com. Avec le syndicat mixte des transports, Carulis, votre réseau évolue. Énergie Anti, première musicale, première musicale. Téléchargez l'appli Énergie Anti, gratuite. Sans abonnement. Pour écouter tous les hits numéro 1. Tour de contrôle, m'aider. Est-ce que tu pourrais tous les hits numéro 1 sur l'appli Énergie Anti. It's music only. Ni yon fil en passé ou mandé mon frené ça qui différent te que mandé mon fil. Non, m'kattend nous river qu'on chauffe. Mais avant ça commencer, faut ça te file. Qu'on s'étoile en laisser au fil. Chérie, ou trop jeune. Jeune. Dommage, ou trop jeune. Jeune. On dit ou trop jeune. Préférez partir pour pas, pour pas, pour pas love. Partir pour pas love. Pékeni regard ou pas, ou pas, ou pas wall. Regard ou pas wall. Préférez partir pour pas love. Partir pour pas love. Pékeni regard ou pas wall. Regard ou pas wall. Nous pas censés connaître. Pour les jeunes qui mènent, nous ne pouvons pas collègues. Sorti ni la vingtaine, moi ni 37. Donc les hantés au collège, ou pas même tes fêtes. En vos premiers fois, t'es sorti si saine. Si pour Dieu, ma commune, où c'était la fête. Comme d'habitude, moi, en 4 cassés, tout douette. Ou pendant qu'on au moins qu'on l'est, j'en ai au centre. Pour demander mon photo, mentionnez-moi si Insta. En comment c'est vrai, tout pas tout l'air, ni presta. C'est vrai qu'il y a qui garde au marché, si on spectacle. Et on y pisse tête qui les autres, c'est vrai, ou extra. Mon travail est goloto, ni belle steak et belle pâte. Je te dis que chacun joue. Quoi porter fait bao, mais faut nous qui arrêter là, ma chérie point bao. Tout bite de caille jusqu'à ce qu'elle m'a déroulé la jaou. Ou trop jeune, jeune, dommage ou trop jeune, jeune, on dit ou trop jeune, jeune, allez ou trop jeune, jeune. Préférez partir pour pas, pour pas, pour pas l'or. Parti pour pas love, pekeni wega ou pas, ou pas, ou pas wall. Wega ou pas wall, préféré parti pour pas love. Parti pour pas love, pekeni wega ou pas wall. Wega ou pas wall. Et nous parler, nous parler, nous parler. On fait pas folie, jeunesse, avant on fait pas marier. Et nous parler, nous parler, nous parler. Et faut pas continuer, dis-moi que vous parlez. Ma chérie, faut aller, aller, faut aller. Faut changer direction avant que trop t'abarre. Faut aller, aller, faut aller. On fait pas folie, jeunesse, avant on fait pas marier. Chérie, ou trop jeune. Dommage ou trop jeune. En passé, ou m'a démontré. Préférez partir pour pas, pour pas, pour pas love. Partir pour pas love. Pékeni regard ou pas, ou pas, ou pas wall. Regard ou pas wall. Préférez partir pour pas love. Partir pour pas love. Pékeni regard ou pas wall. Regard ou pas wall. La playlist Énergie Antilles. Just hit music only. Money pass your papa. Wait till you want way I know feed do for you. Why you want the boogan one? Share you be kissed and any. You better drop your body. I'm a sucker. Suffer with this body. Make we run. I'm on a low key. Baby, you know me. They get us to go move where you know go. Green. Come make a drive your Come make a drive this such a low key. Baby, allow me. See body oh, see body, see body oh. Egg bami oh, egg bami. He dey bust in my bololo, he dey bust in my bololo. Please help me oh, me I don't jam with him but. Money pass your papa. Wait till you want way I know feel do for you. Why you want the boogan one? Share you be kissed and any. You better drop your body and move. You to the form with this love for fitting, baby. And let me, let me. I get plenty bonds for you. You want they do like say night, I know the end. You too, they still they do like say your waist, no the end. You know they and then. Boy, I follow my command, baby, do like I do, baby, front and back, give me boom, back a boom. Suck up, suffer with this body, make we run, I'm on a low key, baby, you know me. They get a sicko move, where you know go green. Come make a drive your. Drive this one, Jalopy. Baby, allow me tip you off with the alarm. Come here, wait in the water, you. Green body make a rock, yeah. I know you seen young me. I get the money, pass to your papa. Wait till you want, wait, I know feel do for you. Why you want the booger, one? Share you be kiss than any. You better drop your body, I'm a sucker. Suffer with this body. Make we run, I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sicko move, where you know go green. Come make a drive your, come make a drive this one, Jalopy. C'était promis quand on est tombé love girl. Des nuits de folie avec ou sans argent. Si je sens le flingue, tu souris en chargeant. Pas d'honneur aux ennemis que j'ai tort ou raison. Je tomberai pour toi tout en restant confiant. Quelques mois ça va, mais 10 ans c'est du temps. Mes gars, caché dans tes bras, je me demande, pourrais-tu lâcher ma main pour un autre monde? J'ai dû cacher tous tes rêves de colombe. Je suis déjà chelou, que serais-je si tu m'abandonnes? Tu m'as dit toujours avoir confiance en toi. Ce n'est pas que je doute, mais y'a quand même des fois. Je m'imagine que tu méritais mieux que tout ça. Que même si je suis pas, je me le crois. Je sais où vivre à toi, commencer, tu me donnes espoir. Les yeux sur toi, la main sur le magnum. Retrouveras-tu un autre homme qui saura te faire venir en 9 secondes? Smoke weed, boss gone. Ils disent que je ferai de toi une vagabonde. T'es la seule, t'es la bonne. Marche avec moi dans les rues de Kingston. Yeah. Je sais au combien d'années tu m'as donné. Température 33 degrés. Plongeoir à 5 mètres. La piscine énergie vous attend. Bombez le torse. Venez faire des saltos de ouf. La piscine énergie regorge de cadeaux surprises. Sorties, ciné, soirées, festivals. Énergie Antilles, la radio officielle des vacances. Un nom, un lieu, une légende. La Olzou Caribbean is back, baby. Samedi 12 août, Énergie La Casarte présente le grand retour de la Olzou Caribbean. Pour une seule et unique date durant ses vacances. Au platine, oui, Vince, Phil, Denkers, Payton. Et toujours, deux pistes, deux ambiances comme à l'ancienne. Samedi 12 août, à La Casarte, à partir de 22h, venez revivre vos plus beaux souvenirs avec Énergie Antilles. Les 300 premiers tickets à 10€ disponibles sur keywall.com. Banga, fruits fraîches. Banga, fruits fraîches. Tellement fruits, tellement fraîches, les nouvelles boissons Banga fruits fraîches à l'extrait de guarana. Tropical, fruits rouges, groseille pays ou agrume ananas coco. Choisis ton mood et mets-toi fruits fraîches. Banga, fruits fraîches. Pour votre santé, bougez plus. Le comité Mister Guadeloupe, la ville de Capesterre et la région Guadeloupe présentent en partenariat avec Énergie Antilles la 12e édition de l'élection de Mister Guadeloupe 2023 sous le thème Les 4 éléments, le samedi 12 août, 20h, au gymnase Gérard Marianne de Capesterre Bello. Artistes invités, Saïk et les troupes Amétis et Madness. Tickets disponibles sur keywall.com. Info 0690 805 944 avec la région Guadeloupe, Grand Sud Caraïbes, Format Plus et l'habitation Samana Beau Séjour. Hello, hello la Guadeloupe, c'est Jean-Aubert. Je suis de retour pour mon tout nouveau spectacle. Mercredi, le 9 août, au Palais des Sports d'Igouzier. Les billets sont disponibles sur All Ball. Bisous, monpass.store. C'est un événement énergique. Oui, c'est pas n'importe quel spectacle. Ok, c'est correct. Merci la Guadeloupe. Taille, en spectacle, le mercredi 9 août au Palais des Sports d'Igouzier. Un événement énergie Antilles. Salut les amis, il faut que je vous dise, ça faisait bel longtemps que je n'avais pas été au jardin botanique de Valenbreux. Entre ce que j'ai connu et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Tout est nouveau. Ce jardin est magnifique, un paradis d'oiseaux colorés, des fleurs tropicales, je n'en reviens pas. En plus, on peut faire la visite en train électrique. Il faut le voir ou quoi. Le jardin botanique de Valenbreux à Petit-Bourg, le fruit de la passion. Êtes-vous prêt à vivre l'expérience Pinky Bloom Music Festival avec RCI et Énergie? Dimanche 22 octobre, sur le site de Duval à Petit Canal, plongez dans l'univers Pinky Bloom avec Destra Garcia, Felicia Ross, Nestlé, Nayo, Lissi Nice Jean, Mappy et une sélection de DJ. Un festival et des couleurs pour donner tout son sens à la solidarité et au leadership féminin. Music, food corner, village, show et de belles énergies à partager avec les gentlemen qui sont les bienvenus. Dress code, touch of pink. Billets disponibles exclusivement sur le site internet pinky-bloom.com. Plus d'infos sur nos réseaux sociaux. Follow us. Pinky Bloom avec Karukera Assainissement, Capes, McDonald's, RCI et Énergie. Le 6-10 vacances sur Énergie. Tous les matins, réveillez-vous avec les hits numéro 1 des vacances. Jeux, cadeaux et surtout le plein de bonne humeur. Le 6-10 vacances. 6h-10h sur la radio numéro 1 des vacances. Énergie. Ici, c'est Énergie. C'est Énergie. 12 hits. 12 hits Énergie. Non-stop. C'est la playlist Énergie qui démarre. She's been a shot up shots only. Type of things got me curious. Can't control this feeling, but I like it. Watching you for a minute, this entire scene. You're the one I wanna see. Sometimes I'm curious. for, I gotta find her. All gal freaky, freaky, freaky. That gal freaky, freaky, freaky. Shen Yang freaky, freaky, freaky. Of them I wonder who I teach me. Said them love for me, freaky, freaky, freaky. Legs go over me head, me freaky, freaky. All gal freaky, freaky, freaky. It's a good thing I proof you know if you please me. Yeah, met a next gal by the name of Shanice. So she got a good friend at home called Patrice. Tryna see what can go on later. I want flavor with no chaser. So she wanna try a one thing or two. Ready for broke out and make her debut. Mommy put it on me. Temptation, yeah, make my thoughts on what it. Type of things gonna make you real. Can't control this feeling, but I like it. Watching you for a minute, it's enticing. You're the one I wanna see. Sometimes I'm curious. Too many girls in the party. Too many shots, I need a driver. I gotta find her. All girls freaky, freaky, freaky. That girl freaky, freaky, freaky. Shen Yang freaky, freaky, freaky. Of them I wonder who I teach me. Said them love for me. Freaky, freaky, freaky. Legs go over me head, me freaky, freaky. All girl freaky, freaky, freaky. Come for that freaky, freaky, freaky. Yeah. We got London on the train. Give me a little time, I'll make you climb up. Baby, I'm a fool.

pensée. En vie font y monter chérie. Impressionné ou pas qu'à garder m'en j'ai. Assez à nous pour le faire toujours. Bafou m'bap tombe d'amour. Et si ou qu'on est galdi l'mba jaloux. Ma bon miel pour qu'à prendre goût. Take my cake away, Ajay. You can't count my grace. I just did my lane, my lane. steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want, telling me could deny my fantasy. They want to check if my tapping go wrong. But see, they don't. Sur Énergie avec la boutique Chef d'Estreland et Blandin. On s'appelle dans tous les cas, pas d'un paquet, j'ai guéri, bon, sans paix, pas bon, l'amour, c'est un radon, sans pénitencie. On nous la donne, l'amour, et ça, vous montre sa véritable. Et en vérité, ça, plus sage qu'on laisse au pour un d'autre. C'est bien, on peut souhaiter, c'est que bon, tu bénis. Et que bon, tu bénis, moi, si demain, on va y aller. Bon, tu en fais pas bannir. Mamzelle, ça, sur un aimé. Encore, c'est valise. Carré, bâti, sans maillet. Power for encore. Tout doux ensemble, mon monnaie pour sans cesse. want my good boom. To them other girl, give you when you want. You have a vibe, but I can't ignore it. I will bless you if you're working for it. Anytime you're ready, girl, just say the word. Top G and a second wife. Never. For them energy. My girl, why pre? Come here, just wind up your body. You're gonna need a breaking if you want to show me out. You're gonna need a break, come and goodly break out. Yeah. We can stop each other, cause that I turn me on. Turn me on. Need a real nigga now, not no phony. I'm a number one girl, me a trophy. Me know, say this how you want. Me know, say me alone and laugh. Me go pick it up and drop it like enough is not enough. Keep me make it get my poop. Then you know you have it go. Me and grab your body, slap it up and make a little snap. Cock it up and set it good and then you throw it back. No, sir, not me. Me, I got no time for them energy. My girl, why pray? Come here, just wind up your body. Me go need a breaking if you want to show me out. You go need a break, it come a goodly break, yeah. Stop me chatting cause that I turn me on. What you mean? Turn me on. Turn me on. Yeah, twinkle. Nine. Vos hits préférés sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Hit music. C'est la playlist énergie. Énergie Antille. She just moved right up the back for me, and she got the hots for me, the finest thing my hood has seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting and in no time. I better make this with her mind. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to me. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about the girls. No way, hey. Nelly gon' fight over no day. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor. The way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta. And I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. Before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Come on. You've been swimming, I do. All I think about Énergie Vacances. Ah, Énergie Vacances, salut, bonjour. Bonjour tout le monde, bonsoir, du moins, il est à 16h. On est en fin d'après-midi. Cet après-midi, encore des cadeaux à gagner. Plein de cadeaux, plein d'invitations, notamment des invitations pour aller voir l'humoriste haïtien Thaï qui sera au Gosier, au Palais des Sports du Gosier. Ça va se passer mercredi, sinon pas longtemps. Gagnez vos places au 0825-825-696. Et puis toujours, encore et toujours des places pour aller au cinéma. Et cette semaine, on est plutôt pas mal avec des places pour le nouveau Jason Statham. Si vous aimez les gros requins, tu sais, les mégalodons carrément, vous pouvez gagner vos invitations en eau trouble. Ça se gagne aujourd'hui sur Energy au 0825-825-696. Bon, allez, on se fait plaisir. On va plonger dans la piscine. Il y a Bexen qui revient avec Guagualada. Juste après Lorenz avec Fou de toi sur Energy. Bonne fin d'après-midi. Bonnes vacances. J'aime tout ce que tu fais avec ton corps. C'est mon cœur qui est touché. Je te serre contre moi un peu plus fort jusqu'à ne plus bouger. Je veux tout de toi, tout de toi.